미안하네. Je l'ai fait mais je t'assure y'avait pas de sentiment. J'ai vu la suite, j'ai eu un pressentiment. Oui j'ai tort, je mérite aucun compliment. Oui ma faute est balèze comme un continent. Je veux pas que tu me pardonnes. Je veux que t'oublies les fois où je t'ai fait passer pour une folle. Hey, tu sais comment je fonctionne. Tu savais ce qui t'attendait en fouillant mon phone. J'ai donné raison à tes potes qui sur moi avaient parié. Et malgré ça, j'ai quand même l'audace de vouloir te marier. C'est vrai, je me suis planté. J'avais aucune raison valable de te tromper. Mais tu peux pas mettre une croix sur ce qu'on a fondé. Je peux pas te voir partir, je veux pas laisser tomber. C'est vrai, je me suis planté. J'avais aucune raison valable de te tromper. Mais tu peux pas mettre une croix sur ce qu'on a fondé. Je peux pas te voir partir, je veux pas laisser tomber. Et je ne peux pas te laisser tomber. Pas envie de te laisser tomber. Tu sais tout donc je pourrais pas dire que c'est faux. L'homme est faible et ça c'est son plus gros défaut. Tu peux pas juste comme ça tout effacer. Ce que je t'ai dit je te jure ce ne sont pas que des mots. Faut pas que tu m'abandonnes. Si tu le fais c'est sûr que je finis avec une couronne. Et aucun doute est la bonne. Si on s'aime je sais qu'on peut changer la donne. J'ai donné raison à tes potes qui sur moi avaient parié. Et malgré ça j'ai quand même l'audace de vouloir te marier. C'est vrai je me suis planté. J'avais aucune raison valable de te tromper. Mais tu peux pas mettre une croix sur ce qu'on a fondé. Je peux pas te voir partir, je veux pas laisser tomber. C'est vrai je me suis planté. J'avais aucune raison valable de te tromper. Mais tu peux pas mettre une croix sur ce qu'on a fondé. Je peux pas te voir partir, je veux pas laisser tomber. Mettre une croix sur ce qu'on a fondé. Je peux pas te voir partir, je veux pas laisser tomber.